l'idée quand même aussi d'appeler des gonzesses pour leur parler. Tu peux pas parler avec des potes par exemple. Parler à des mecs. Dire des trucs de mecs, dire des trucs entre hommes. Et pas avec des femmes, toujours leur dire des choses qu'elles veulent entendre. Se forcer à dire des trucs pour pas leur dire autre chose. Qu'est-ce que ça va être pour après, pour le futur? Qu'est-ce que ça va être maintenant? Qu'est-ce que ça va être? Je n'en sais pas. Continue à parler avec tes potes, avec des mecs. Allez pas appeler des gonzesses et qu'elles répondent pas et pour juste leur parler de choses que t'as pas envie finalement de parler quand même. Parce que sinon après elles vont dire c'est qui celui-là, c'est quoi ce fou de merde. C'est facile de faire ne pas être un goujat et de dire des trucs que t'aurais pas dû dire. Très difficile tout ça, très très dur. Parler toujours et j'avais fait un morceau sur le fait de parler que tout le monde devrait fermer sa gueule. Maintenant, j'entendais. Tu fermes ta gueule maintenant, t'entends? Ou sinon je vais enlever ton numéro de mon GSM, hein, et je vais plus appeler, ou alors tu vas appeler, je verrai pas que c'est toi, alors je dirai non, ben tant pis, je te connais pas, je réponds pas, rien à dire, de toute façon aujourd'hui, encore une fois, c'est ça, c'est pour te dire quoi, au téléphone. J'étais au supermarché, j'ai été acheter de la bouffe. Parce qu'il y avait plus que deux trucs dans le frigo. Un jus et de la mayonnaise. Et c'est comme les albums. C'est comme tous mes morceaux. Putain de mayonnaise. Appeler les gens et leur parler de choses de merde. Dire de la mayonnaise aux gens. Voilà. Tu parles, il y a plus de mayonnaise encore, plus de dedans. Dire du ketchup aux gens et dire de la moutarde. Dire de la mayonnaise, hein. C'est ça que ça veut dire, vous avez pas compris encore. Dire la mayonnaise dedans, ça veut dire leur dire de la merde qui veut rien dire et qui sert à rien. C'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Alors maintenant tout le monde, il n'y a plus personne qui répond, de nouveau, ni les mecs ni les gonzesses. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut aller manger, c'est ça, je vais préparer à manger de nouveau. Mais il n'y a pas quelqu'un pour me préparer à manger à ma place et que je bouffe juste moi, sur une gonzesse. J'attendrai devant la télé et qu'elle sera en train de préparer à bouffer. Je n'ai pas encore préparé à bouffer. J'ai regardé la télé, j'ai regardé un bon DVD en train de bouffer. Voilà ce qu'il faut. Mais s'il n'y a personne qui répond, comment tu veux que ça arrive? Et toujours sur le fait de parler et plus de bouffer. Allô, ça va? Ça va pas? Tu vas bien? Tu vas bien ou tu vas nul? Tu vas moyen, tu veux un nouvel album? J'ai encore fait, il n'y a qu'un exemplaire du nouvel album qui est sorti. Ouais, je t'ai dit, je vais pas faire toujours des copies, alors si tu peux le garder ou alors si tu le perds, de nouveau ça ne servira à rien que je l'ai fait, même déjà ce qu'il y a dessus, ça sert à rien. Mais tiens, quand même un, et d'ailleurs c'est le seul. Je l'ai fait, par exemple j'en ai fait un. J'en ai fait un pour une chick et je l'ai jamais sorti et je lui donnerai jamais tout ça encore de nouveau dans l'ordinateur. Et je te souviens, j'ai fait un album pour une Mylène Farmer. Et je l'ai, peut-être qu'elle l'écoutera jamais parce que c'est trop de la merde. Ou alors elle l'écoutera. Elle ira à la police pour dire il faut arrêter ce type là alors que juste j'aime bien et que je suis amoureux de Mylène Farmer. Et que la musique est bien quand même, hein. Même si c'est pas elle qui a écrit la musique, elle fait des belles paroles, elle chante bien. Brune, blonde, rouquine, et je te dis, j'aime bien les trois. Hein. Je fais des hommages, je fais un hommage à la guitare, et il est tout pour. bruit. Et j'ai fait même des albums. J'ai même maintenant il est tout fait. Il est tout dans la pochette. Photocopié, gravé, CD, toutes les paroles. Et je réécoute. Et c'est pourri, c'est la honte. Et c'est de la merde et je le sors quand même. Merde, maintenant on va prendre pour qui? C'est un ouf, c'est un ouf-vieux. Je verrai comme ça des gens qui boivent du champagne et qui sont là à manger des petits fours. Et tu connais moyen, c'est un ouf vieux, c'est un ouf vieux. Voilà. Donnez le seul que vous avez ou plusieurs à quelqu'un d'autre. Vous les autres cons de merde que j'aime pas, j'ai pas envie que vous écoutiez mes albums. J'ai donné juste mes albums, juste pour toi en fait. Mes albums c'est juste à chaque fois pour une seule personne. Pour toi, tu sais qui tu es. C'est toi, hein, c'est pour toi que je l'ai fait. Regarde, c'est joli, tous mes morceaux, ils sont très jolis. Ils sont bien et c'est pas pour n'importe qui que je les ai faits. C'est pour toi, je t'ai dit, et j'ai même fait un album, ça s'appelait Poutois. Personne d'autre, et même pas pour moi-même, finalement. Parce que j'ai déjà fait tellement d'albums pour moi-même, alors finalement, maintenant, à la fin, je te donne l'album que j'ai fait pour toi. J'espère que ça va te plaire, c'est ton anniversaire. Peut-être l'année prochaine, ce sera de nouveau ton anniversaire, alors peut-être que j'en aurai à nouveau un bien avec que des chansons en hommage à ton anniversaire, que des chansons en hommage que t'es un jour en plus, une seconde en plus de ta vie, comme tous les jours avant quand je faisais les albums. J'en faisais même des fois deux fois par soir, je te dis. Tu sais, c'est la folie dans les studios. C'était même pas un studio, c'était dans ma cave, là où j'habitais en bas. Et après tout a été inondé. Et souviens-toi, j'avais sauvé l'ordinateur où il y avait toutes les œuvres de moyens. Et j'ai failli mourir, crever, électrocuté, crever comme une merde avec l'ordinateur entre mes mains, dans l'eau. Tous mes albums inutilisables. Tout ça serait servi à rien. Et à l'époque, il y en avait que 8 qui étaient sortis. Si laisser ça pour la postérité, je dis non. Les 8 seuls qui sont sortis, imagine, ça aurait été que ça qu'on connaisse de moyens, et même pas ce morceau-là par exemple. Le dernier morceau en date. Après tout ce qui s'est déjà passé avant dans la vie et dans ma propre vie. Les aventures avec Jady et les aventures avec les téléphones. Voilà tout ça, je vais te parler de tout ça maintenant au téléphone de nouveau. Je vais essayer d'appeler quelqu'un. Je sais plus rien dire parce que j'ai fait ce morceau là. T'as qu'à écouter un autre album, t'as qu'à écouter ce morceau ou un autre morceau qui y ressemble. Donc là, de plus en plus la fouillerie, je te dis, hein. La fouillerie, je te dis. La ouf fouillerie. Studio, et maintenant c'est même plus un nouveau studio, c'est l'appartement, c'est plus la cave, c'est terminé, c'est moins bien, parce que dans la cave, au moins j'avais de l'inspiration, j'étais en dessous des gens, et maintenant je suis juste devant les alcooliques anonymes, hein. Et près des night shops, où je peux aller acheter des clopes, mais les clopes j'ai arrêté, c'est juste les chpines maintenant, et j'achète que du tabac. Pas cher et je le garde juste pour les chpines. Ça, il faut arrêter de fumer des clopes et j'avais fait mon album non et bientôt il est fini maintenant, il va sortir bientôt. J'espère que tout le monde va arrêter de fumer grâce à mon album. Tu vois bien, ça sert à rien que je parle avec toi. J'ai rien à dire, tout ce que j'ai à dire c'est à moi RQN. Et si t'as envie d'entendre ce que j'ai à dire sur rien, t'as qu'à écouter un album de... Toujours en France. Freestyle et tous les autres albums que j'ai fait avec des autres MC. On avait bien rigolé, mais c'était quand même un peu pourri. C'est pas facile de faire n'importe quoi tous les jours et toutes les nuits dans l'insomnie, comme j'ai fait cette nuit. Par exemple, j'ai dormi, mais j'avais pas d'insomnie, heureusement. Parce que j'avais réécouté mon album Insomnie. Et j'avais demandé à un pote à moi, je dis, est-ce que t'as ressenti le désespoir et l'insomnie et la nuit? Il m'a fait, non, j'ai oublié, j'ai plus ce qu'il y avait dedans. Ça ne à rien, même pas pouvoir t'appeler, pas répondre. Moi-même, je répondais pas pendant 6 mois, j'avais plus de téléphone. Et je faisais rien, et c'était le hasard de la vie. Quand je rencontrais une fille, salut, ça va bien, on sort là-bas, on va là-bas, on reste ici. De quoi on va parler? Tiens, bien, on va pour une fois, on va changer, on va parler de tout. Ou ben, on va parler de toi, parce qu'il y en a marre de parler de moyens. Toujours, c'est moi qui parle de toutes choses. Je fais, ah, ceci, ceci, cela. Je fais, merde, j'aurais pas dû dire ça. Tu m'as dit, c'est mon choix de fumer des clopes, par exemple. Et quand on avait parlé, tu me dis, c'est mon choix de fumer des clopes. C'est moi qui l'ai décidé. On est quand même dans un monde libre.